Un professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment se répartissent les migrations dans le monde ? Comment les migrations de proximité priment-elles, notamment dans l'Afrique subsaharienne ? Comment a évolué notre représentation des flux migratoires, s'interroge le démographe François Héran. Qu'est-ce que la migration de refuge ? François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France, propose dans le cadre de son enseignement et de ses recherches de rétablir les ordres de grandeur du phénomène migratoire, fait de société souvent malmené et déformé dans les débats quotidiens. Dans la série de cours qu'il a donnée au début de l'année 2019, sous le titre « Pourquoi migrer ?», à quelques mois des élections européennes, il s'est donné comme programme de questionner et d'analyser les facteurs déterminants des migrations. Dans sa leçon inaugurale et sa première série de cours donnée au Collège de France en 2018, il a présenté les paradoxes de l'étude démographique et désamorcé bien des idées reçues. Nous retrouvons aujourd'hui son approche rigoureuse, définition et explication minutieuse des sources à l'appui, pour déconstruire les fausses représentations et voir au-delà des clichés. Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans une interview donnée au journal du CNRS en décembre 2018, il rappelle le décalage qui existe entre la perception que l'on peut avoir des mouvements migratoires et la réalité des chiffres. Selon les derniers chiffres disponibles, explique-t-il, on dénombre aujourd'hui près de 260 millions de migrants dans le monde. C'est 100 millions de plus qu'en 1990, mais il faut se souvenir que la population mondiale n'a cessé de croître sur cette période. En proportion, les immigrés représentaient 2,9% de la population mondiale en 1990. Ils sont aujourd'hui 3,4%, ce qui est peu. On peut majorer ce chiffre à 4% pour tenir compte de la migration non déclarée. Cela veut dire que plus de 95% de la population mondiale n'a pas bougé. On est donc loin du raz-de-marée décrit par certains. Ces chiffres, il les analyse et les met en perspective aujourd'hui. Dans la même interview, François Héran explique « La fameuse phrase de Michel Rocard, prononcée en 1989, selon laquelle on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, continue de sonner comme un slogan, mais elle ne décrit pas la réalité. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les populations des pays les plus pauvres, ceux où l'on gagne en moyenne moins de 1 500 $ par an et par personne, qui migrent le plus. Car pour migrer, il faut un minimum de moyens. Ce sont les pays aux revenus moyens faibles ou moyens élevés, selon les catégories de la Banque mondiale, qui migrent le plus, soit entre eux, soit vers les pays aux revenus élevés, affichant en moyenne 12 000 $ de revenus annuels par personne. Au final, on a relativement peu de migration directe des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. La métaphore mécanique qui voudrait que les flux des migrants s'écoulent des contrées pauvres vers les contrées riches, ou des espaces surpeuplés vers les espaces sous-peuplés, ne décrit aucunement la réalité. » François Héran rappelle que les bases de données ainsi que les travaux des sections population des grandes institutions internationales, à commencer par l'ONU, produisent des projections, des scénarios et non des prophéties. Alors que peut-on savoir des flux migratoires aujourd'hui ? Comment nos représentations se sont-elles modifiées grâce à de meilleures connaissances et outils ? Nous gagnons le Collège de France le 10 janvier 2019 pour le cours de François Héran. La première séance va être une sorte de séance de révision. Et nous allons donc revoir un certain nombre de données. Et en même temps, je vous parlerai plus spécialement de l'Afrique subsaharienne, puisqu'il y a eu des débats récemment, et ça continue finalement, sur cette question qui va nous permettre de mettre en œuvre un peu les méthodes démographiques et d'expliquer comment elles fonctionnent. Alors, c'est un schéma que je vous avais déjà présenté. Voici comment se distribue dans le monde entier, il ne faut pas dire les diasporas, ou en tout cas, puisque les diasporas pourraient inclure plusieurs générations, voilà comment se distribuent les personnes qui, nées dans un pays donné, vivent de façon permanente dans un autre pays que leur pays de naissance. La plupart du temps, dans cette compilation qui a été effectuée par l'ONU, par les agences de l'ONU, par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, mais également par l'OCDE, qui est une organisation intergouvernementale, c'est une base qui existe, qui est solide depuis une quinzaine d'années, et peu à peu, les auteurs de cette base ont essayé de faire en sorte qu'elle soit rassemblée, soit enregistrée, non pas les étrangers, ça existe encore dans quelques pays, mais vraiment les personnes qui, quelle que soit leur nationalité actuelle, qu'elles aient ou non acquis la nationalité du pays de destination, sont nées étrangères à l'étranger, ont franchi une frontière, se sont installées pour une durée d'au moins un an. C'est la définition internationale de l'immigration que la France a adoptée assez tardivement en 1991, mais qui est tout simplement une recommandation internationale faite par l'ONU, puisque je rappelle que l'autorité qui fait des recommandations en matière de démographie internationale dans le monde, quelles sont les bonnes questions à poser lors des recensements, par exemple, comment organiser les registres, eh bien, cette autorité, c'est la division de la population des Nations Unies qui est installée à New York, à proximité du siège des Nations Unies. Donc, moyennant le respect de cette définition, être né étranger à l'étranger, avoir franchi une frontière, s'installer, donc appartenir à ce qu'on appelle la première génération, celle qui a vraiment migré, sans inclure les enfants nés sur place, on arrive à un total de 253 millions de personnes en 2015. La dernière actualisation donne plutôt 260 millions de migrants de par le monde. Et voilà comment elles se répartissent, ces populations se répartissent en grands groupes. Vous avez à peu près 100 millions de personnes qui sont nées dans un pays du Sud et vivent dans un autre pays du Sud. Donc l'immigration Sud-Sud, c'est 100 millions de personnes et vous voyez que c'est le bloc le plus important. Alors évidemment, ça dépend de la définition assez conventionnelle qu'on donne du Nord et du Sud. Et là, pour les Nations Unies, la définition est extrêmement simple. Ce qu'on appelle le Nord, c'est les pays occidentaux, les États-Unis et le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Voilà, c'est cette définition très restrictive du Nord. La Russie fait partie, évidemment, des pays du Nord. Et j'ai représenté, donc, en rouge, les populations des pays du Sud. Vous voyez que, pour l'instant, la Chine est encore un pays dit du Sud dans cette classification. Quand on est en Australie, les gens utilisent Nord-Sud exactement comme nous. Hein. Pour eux, les populations du Sud vivent au nord de l'Australie et réciproquement. Bon. Vous voyez à quel point ce Nord et ce Sud sont des constructions sociales ou historiques et pas vraiment des constructions géographiques. Alors, commentons rapidement ce graphique. Donc, dans ces cercles, vous avez les migrants, les personnes qui ont changé de pays, qui vivent dans un autre pays, mais à l'intérieur de la même région du monde. Donc 65 millions de personnes ont changé de pays à l'intérieur de l'Asie, et c'est de loin les plus grosses populations de migrants, les plus grosses diasporas. Alors qu'est-ce que ça inclut là-dedans ? Vous avez là-dedans, par exemple, les Indiens et les Bangladais qui travaillent dans les pays du Golfe qui sont classés en Asie. Hein. Il faut voir que derrière ces chiffres, vous avez des phénomènes de ce genre. Vous voyez que la migration intra-européenne est considérable. 42 millions d'Européens vivent dans un autre pays d'Europe. Et ceci est dû en partie à un phénomène qu'on regardera tout à l'heure en détail, qui est ce qu'on appelle la libre circulation au sein de l'Union européenne, mais aussi, évidemment, les pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, donc des ressortissants d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, qui sont venus migrer en Europe de l'Ouest ou en Europe du Nord. Vous avez là-dedans aussi les Italiens, les Espagnols, etc., qui vivent actuellement dans l'Europe du Nord ou l'Europe de l'Ouest, car ceci, ce sont les migrants qui se sont accumulés au fil des décennies, qui sont toujours en vie et qui sont restés dans le pays de destination. Donc vous n'avez pas là un flux annuel, vous avez ce qu'on appelle en démographie des stocks, hein, c'est-à-dire tout ceci, en langage de l'ONU, ça s'appelle International Migrant Stock, le stock international des migrants. Je vous présente là des données de stock. Les flèches donnent l'impression qu'on a affaire à des flux, mais en réalité, ce sont simplement des flèches qui montrent la relation entre origine et destination. Et ce sont actuellement, vers 2015, l'ensemble des personnes qui ont été soit recensées, soit enregistrées dans des registres, soit estimées à partir d'enquêtes. Il y a un travail énorme de compilation de données qui permet d'arriver à ce résultat. Donc, reprenons le fil de notre commentaire. Vous voyez qu'à l'intérieur de l'Afrique, il y a une migration intra-africaine donc, qui est considérable aussi. 21 millions de personnes nées dans un pays d'Afrique vivent dans un autre pays d'Afrique. L'Amérique du Nord, elle, a très peu de migration interne puisque c'est essentiellement les relations entre le Canada. Ça n'est que les relations entre le Canada et l'Australie. Il y a très peu de migration entre le Canada et l'Australie compte tenu des populations concernées puisque les États-Unis, c'est 330-340 millions d'habitants. Alors, il reste donc à considérer les flèches, et vous voyez que de loin, de très loin, les flux migratoires interrégionaux les plus importants au monde, c'est ce qui vient d'Amérique latine et des Caraïbes vers l'Amérique du Nord, et donc États-Unis principalement, qui sont sûrement le Canada. Je rappelle que le Canada, c'est à peu près 10 fois moins d'habitants que les États-Unis. 25 millions, et dans ces 25 millions... la moitié, à peu près, correspondent aux Mexicains installés aux États-Unis. Les petites, l'afflux d'Honduriens ou de Salvadoriens à la frontière américaine actuellement, c'est vraiment très très peu de choses par rapport à ces masses considérables qui existent déjà à l'intérieur des États-Unis. La migration de l'Afrique vers l'Europe, c'est 10 millions de personnes, c'est relativement modeste par rapport à l'ensemble des migrations, et là-dedans, le Maghreb pèse considérablement. La migration d'Asie en Europe est beaucoup plus importante, puisque vous avez là-dedans, dans ce groupe, vous avez notamment tout l'ancien Commonwealth britannique qui migre vers la Grande-Bretagne. Vous avez les Sri Lankais, les Bangladais, les Indiens, etc. Mais vous avez aussi, bien sûr, la migration chinoise qui s'est développée. Les Chinois migrent peu, ils migrent moins que la moyenne de la population mondiale, mais dès qu'un peu de Chinois émigrent, évidemment, ça fait tout de suite beaucoup de monde, puisqu'ils sont 1,35 milliard, quelque chose comme ça. Voilà un peu le schéma global, et vous voyez qu'il y a très peu d'échanges entre les régions de l'hémisphère sud. Il y a une montée vers le nord géographique, et les États-Unis donc attirent, évidemment, non seulement les 25 millions de latino-américains et de caribéens, mais également la flèche qui est en haut à droite correspond aux migrations essentiellement chinoises ou indiennes vers les États-Unis. Voilà un peu le tableau d'ensemble. Alors ça ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on s'en fait, puisque on sous-estime l'importance de la migration interne aux différents continents, on surestime celle qui vient du sud vers le nord. Donc le bilan est affiché en couleur, 100 millions de personnes qui ont migré du sud vers le sud, 84 millions du sud vers le nord, c'est important, mais c'est moins que l'immigration sud-sud. Nord-nord, c'est plus important qu'on le croit, 57 millions, hein, c'est tout à fait considérable, et le nord au sud, le mouvement en sens inverse, là, c'est beaucoup plus restreint. J'avais beaucoup insisté l'an dernier, je ne vais peut-être pas insister à nouveau là-dessus, et puis j'ai fait plusieurs conférences qu'on peut trouver sur Internet, mais l'idée que les migrations vont naturellement des régions les plus peuplées vers les régions les moins peuplées, des plus fécondes vers les moins fécondes. On utilise parfois des métaphores qui sont très parlantes, comme ça irait de hautes pressions démographiques vers les basses pressions. Toutes ces métaphores qui sont très éloquentes, en réalité, ne décrivent pas correctement la situation. Et vous voyez, l'idée que la nature a horreur du vide. Eh bien, si vous prenez par exemple la région des Balkans, vous avez 22% de la population des pays balkaniques, la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo, la Serbie, etc., tout cet ensemble, eh bien, 22% de la population de ces pays-là vivent à l'extérieur. C'est beaucoup plus que le taux d'immigration des Africains qui est de l'ordre de 3%. Et or, ces pays des Balkans ont une fécondité extrêmement faible, parmi les plus faibles fécondités au monde, si on met à part la Corée et le Japon. Et donc l'idée qu'il y aurait de très fortes migrations nécessairement des pays les plus peuplés vers les pays les moins peuplés, en réalité, est contrebalancée par toute une série de contre-exemples. Contre-exemples qui sont même plus nombreux que les exemples. Et je reviendrai un peu sur l'idée qui commence à émerger, au fond, qui est très présente, très prégnante, qu'il y aurait en quelque sorte des migrations démographiques, que par une sorte de mécanisme naturel, la surpression démographique, l'excès de fécondité, etc., provoquerait mécaniquement de forts mouvements de population vers l'extérieur. Eh bien, pour l'instant, on ne voit rien de tel dans la distribution mondiale des migrations. Je vais vous présenter ici une figure qui n'est pas très lisible, mais c'est simplement, ce qui est important, c'est la masse. J'ai distribué dans cette matrice, parce qu'au fond, la matrice que j'ai utilisée, c'est un tableau carré avec les pays d'origine croisés avec les pays de destination, et je les ai regroupés par continent. Et donc, vous voyez, en haut à droite, les États-Unis, l'Océanie, puis l'Amérique latine, et ensuite les différentes sous-régions de l'Europe. On arrive en Asie centrale, en Proche-Orient, et puis on termine par le Maghreb et l'Afrique. Voilà un peu le classement de ces pays qui suit grosso modo un classement d'indice de développement aussi. Enfin là, il s'agit simplement d'un classement géographique. Et nous croisons ainsi les régions d'origine avec les régions de destination. Ici, par exemple, vous voyez cette petite tour, ce sont les trois pays du Maghreb qui ont migré en Europe de l'Ouest. Vous voyez comment ça fonctionne. Là, par exemple, au fond, là, vous avez les habitants de l'Amérique centrale qui ont migré aux États-Unis. Donc, à droite, les pays riches qui ont attiré les habitants du reste de la planète. Alors, ce ne sont pas des effectifs qui figurent sur ce graphique, ce sont des indices, c'est la force du lien, en quelque sorte, ce sont des indices de surreprésentation par rapport à la population du pays d'origine et la population d'arrivée. Quelle est la surreprésentation ou la sous-représentation des migrants quand on regarde l'ensemble des migrants? On prend les 260 millions de migrants de la planète, comment se répartissent-ils? Quelle est leur probabilité, plus ou moins forte, plus ou moins faible, par rapport à la moyenne, de se retrouver dans telle ou telle destination? Et vous voyez que ce qui est surchargé dans ce graphique, c'est d'abord fondamentalement la diagonale. C'est-à-dire qu'il y a une tendance extrêmement forte, puissante, des habitants de tous les pays du monde à migrer vers les pays les plus proches, vers les pays de la même région du monde. C'est ça qu'on observe. Et là où c'est particulièrement frappant, ce sont les déplacements à l'intérieur de l'Afrique. Là, par exemple, vous avez l'Afrique australe, les pays d'Afrique australe, dans un autre pays d'Afrique australe. Vous avez là-dedans les anciens Bantoustans, par exemple, ou le Zimbabwe, qui migrent vers l'Afrique du Sud. C'est ce qui est impliqué là-dedans. Mais vous avez aussi des pays comme la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Est, etc., qui migrent vers d'autres pays proches. L'exemple le plus fameux, le plus impressionnant, c'est les 1,5 million de Burkinabés qui migrent vers la Côte d'Ivoire, qui vivent actuellement en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il s'agit toujours des stocks et non pas des flux annuels. Donc, en réalité, une très forte concentration, une très forte surreprésentation des migrations à l'intérieur des mêmes régions du monde. Parce que ce qui prime, évidemment, c'est la migration de proximité. Dans cette migration de proximité pèsent beaucoup les migrations de refuge. On a, par convention, on désigne, on appelle populations déplacées, les populations qui sont, à la suite de conflits, de guerres, de catastrophes, etc., sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Là, je n'ai que les migrants, par définition. Mais vous voyez qu'il y a aussi une série de migrations forcées qui consistent à se retrouver dans les pays voisins. On peut regarder comme ça quelques exemples. Enfin, le graphique n'est pas fait pour qu'on le regarde case par case. Ici, par exemple, vous avez les pays d'Asie centrale qui migrent vers l'Europe orientale. C'est en fait les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale qui migrent vers la Russie, par exemple, principalement. Et vous voyez que cette migration d'Asie centrale vers la Russie, c'est beaucoup plus important que la migration du Maghreb vers l'Europe de l'Ouest. C'est plus important en termes de surreprésentation. Il se trouve que c'est aussi plus important en chiffre absolu, ce que vous ne pouvez pas voir ici. Et là, par exemple, vous avez ici cette grande tour. Eh bien, c'est l'Europe centrale, oui, qui migre vers l'Europe germanophone ou l'Europe du Nord, les Polonais en Allemagne, par exemple, se retrouvent là-dedans. Donc, ça fait voilà la structure globale des migrations. Il y a aussi des migrations de retour. Par exemple, vous avez des gens qui sont nés en Europe de l'Ouest et qui vont vivre au Maghreb. Quand on regarde dans certaines zones de la matrice, les indices de surreprésentation, la force du lien qui relie les pays d'origine aux pays de destination, quand on regarde à l'intérieur de l'Afrique, eh bien, on voit que les indices sont extrêmement élevés. Vous voyez que, par exemple, la probabilité, quand on est dans un pays de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Djibouti, Érythrée, de migrer dans un autre pays de la Corne de l'Afrique, elle est 45 fois supérieure à la moyenne. C'est vraiment des surreprésentations très très fortes, parmi les plus élevées au monde. De même, à l'intérieur de l'Afrique australe. Donc vous voyez que la diagonale est très fortement chargée, et que, certes, on a par exemple des gens de la Corne de l'Afrique qui migrent au Maghreb, 6 fois plus que la moyenne, mais enfin c'est très faible par rapport aux autres régions. Et quand on se déplace maintenant sur la matrice pour aller voir comment se distribuent les migrants venus d'Afrique en Europe, vous voyez que les deux surreprésentations les plus fortes, c'est d'abord le Maghreb vers l'Europe de l'Ouest, ce que nous connaissons bien, c'est l'Algérie vers la France, parce que 90% de la migration algérienne se dirige vers la France, une migration exclusive, ça c'est vraiment lié à l'ancienneté du lien colonial qui a frayé des voies dont il est extrêmement difficile de sortir. Mais vous avez aussi les Marocains vers l'Espagne, les Marocains vers les Pays-Bas, vers la Suisse, etc. Et puis, vous avez une deuxième case un peu surchargée, c'est la Corne de l'Afrique vers l'Europe du Nord. Ça, c'est la migration de refuge, puisque pendant longtemps, et c'est encore le cas maintenant, la Suède et plus encore la Norvège ont été les deux pays qui étaient à peu près les seuls à accueillir systématiquement les réfugiés qui venaient d'Éthiopie, d'Érythrée, de Somalie, de Djibouti, etc. La France aura très très peu pris sa part dans l'accueil de ces réfugiés-là. C'est vraiment l'Europe du Nord qui s'en est chargée. Donc une représentation d'un facteur 4, d'un facteur 7 dans les deux zones, mais très très inférieure à ce qu'on a observé à l'intérieur de l'Afrique, où on était dans des indices du genre 25-40, etc. Vous voyez à quel point on est dans une échelle différente. Et puis vous voyez qu'il y a des régions entières de l'Europe, c'est des zones vertes, où personne, il n'y a aucune migration africaine. Les pays anciennement communistes des Balkans, ou l'Europe orientale, Russie, Ukraine, etc., ignorent totalement, quasi totalement, la migration africaine. Vous avez un peu ici de la migration du Maghreb vers l'Europe du Sud, c'est par exemple les Marocains ou les Tunisiens vers l'Italie, ou les Marocains vers l'Espagne. Voilà, je reviens également sur cette différence de comportement tout à fait fondamentale. Il faut bien se représenter, c'est que la migration subsaharienne ne se comporte pas du tout de la même façon que la migration maghrébine. 65%, 64,6% des subsahariens migrent vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Là, on a fait un découpage de l'Afrique assez précis. On distingue l'Afrique subsaharienne de l'Afrique australe et de la Corne de l'Afrique, et bien sûr aussi du Maghreb. Donc, c'est ce que je vous ai déjà indiqué, alors qu'évidemment, on n'est pas du tout l'équivalent du côté du Maghreb. Il y a très très peu de migration entre les trois pays du Maghreb. Ce sont des pays qui sont cloisonnés. Et ça, c'est une très très grande différence, une différence considérable. Il existe des accords de libre circulation au sein de l'Afrique. La CEDEAO a, par exemple, des accords de libre circulation. Il y a plusieurs accords. Il y en a un qui a été signé récemment, au début de l'été dernier. Et bien sûr, la mise en pratique est encore difficile. Mais en gros, l'Afrique de l'Ouest est relativement intégrée en matière de migration. Et donc, ça facilite considérablement la migration à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. alors que le Maghreb n'est pas intégré. C'est très étrange, hein. Les trois pays du Maghreb sont très cloisonnés, ne sont pas du tout intégrés, et ça se traduit évidemment par le fait que la migration maghrébine est très intense et se dirige vers le nord. Les Anglais ou les Américains disent que la migration maghrébine est « overseas », qu'elle va au-delà des mers, alors que la migration subsaharienne est très légèrement et très minoritairement « overseas ». Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie du tableau. Sur 100 migrants subsahariens, 16% seulement se dirigent vers l'Europe, alors que du côté du Maghreb, c'est 88%. Donc une différence considérable de comportement. Il y a sur les deux flux migratoires une certaine attraction qui commence à se percevoir de l'Amérique du Nord. 7%, 6%, c'est pas négligeable, mais oui, ce chassé-croisé, au fond, plus des trois quarts des migrants subsahariens migrent à l'intérieur, vivent à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, et 88% des migrants maghrébins se retrouvent en Europe. Et je pense que c'est important de bien se représenter ce genre de structure très forte. Et ce n'est pas une structure qui va changer comme ça aisément, facilement, dans les 20 ou les 30 prochaines années. Hein. Comme nous avons affaire à des stocks, nous avons une inertie historique qui, évidemment, a cristallisé là-dedans. On a pu regarder, alors la qualité de la base n'était pas aussi bonne il y a une quinzaine d'années, mais plusieurs chercheurs ont regardé, ont fait des coupes transversales successives dans la base mondiale des migrations, donc du FMI, de l'OCDE et de la Banque mondiale, pour essayer de déduire un petit peu les flux, de voir l'évolution. Je vous montrerai quelques données tout à l'heure là-dessus. Mais finalement, c'est relativement stable, cette affaire, par rapport à ce qu'on pourrait attendre lorsqu'on écoute un peu la façon dont se déroule le débat public. Là, je vais prendre un autre schéma, et cette fois, ce sont vraiment des chiffres absolus, ce sont vraiment des millions de migrants, mais l'indicateur qui est retenu, là, la classification des pays, toujours à partir de la base bilatérale des migrations, c'est l'indice de développement humain, dont je rappelle qu'il est une combinaison, un score dans lequel entre l'espérance de vie, l'espérance d'éducation ou les années de scolarité et le revenu national brut. C'est la richesse, l'éducation et l'espérance de vie. Et c'est donc un très bon indicateur synthétique de la situation économique, sociale d'un pays. Alors cet indicateur est assez raffiné et je l'ai simplifié en le distribuant en 10 catégories de taille égale par le nombre de pays. Bon, j'aurais pu le faire par le nombre égal d'habitants, mais enfin, c'est un peu difficile. Et donc, voilà comment ça se distribue. Alors, c'est toujours le même schéma. Vous avez ici, en 1, les pays qui ont les indices de développement les plus faibles. Évidemment, l'Afrique subsaharienne se retrouve fortement concentrée dans ces catégories 1 et 2. Et vous voyez que, eh bien, c'est à l'intérieur essentiellement de cette catégorie 1 et 2, de ces niveaux inférieurs de développement, que la migration se développe. Et si vous regardez à droite du graphique, les migrations des pays les moins développés sont finalement faibles vers les pays les plus développés. Au fond, si on prend tout de suite la vue d'ensemble du graphique, qu'observe-t-on ? Eh bien, que les migrations les plus nombreuses sont de loin les migrations vers des pays riches en provenance de pays à niveau de développement moyen. Le Mexique, par exemple, est classé en 6 sur cette échelle à 10 étages. Et quand vous regardez la catégorie 10 des pays les plus riches, vous avez là-dedans les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, vous n'avez pas la France est au niveau 9. Eh bien, quels sont les pays qui ont envoyé le plus de migrants vers ces pays les plus développés? Eh bien, la catégorie 6-10, ce sont les Mexicains aux États-Unis. 4, ce sont les Philippins et les Indiens aux États-Unis, ou vers le Canada, vers le Royaume-Uni. Donc, vous voyez, des niveaux de développement moyens. Mais vous avez aussi, bien sûr, des migrations internes au sein des pays les plus riches ou les plus développés. Donc une courbe qui n'est pas du tout une courbe linéaire. Hein. L'idée que plus on est pauvre, plus on migre vers les pays riches, ou plus on est développé, plus on migre vers les pays développés, est totalement démentie par un tel graphique. Et donc ça veut dire, et là je ne fais que réviser en quelque sorte ce que j'ai déjà dit maintes fois l'an dernier, ce n'est pas la misère du monde qui migre le plus. L'idée que si on ouvrait les portes, si on ouvrait les vannes en quelque sorte, C'est la misère du monde qui s'inviterait chez nous d'office n'est absolument pas confortée par cette structure qui reflète donc les comportements migratoires sur les dernières décennies. Alors ici, dans les catégories 6 ou 8, 7, etc., vous avez aussi toute la migration vers les pays du Golfe, par exemple, qui attirent beaucoup de monde, mais qui n'ont pas des indices de développement humain très élevés. Bon, et je vous assomme avec ce genre de graphique. Voilà, c'est le dernier du genre. Alors là, j'ai pris la fécondité. Au lieu de regarder la fécondité à l'instant T, j'ai essayé de classer les pays en fonction de l'histoire de leur fécondité, c'est-à-dire de l'histoire de la transition démographique, la façon dont ces pays ont passé ou non les différentes étapes de la transition démographique. La transition démographique, c'est ce modèle un peu ancien et maintenant de plus en plus démenti, selon lequel tous les pays du monde passent par une situation démographique, un régime démographique où on a à la fois une forte natalité et une forte mortalité, à un régime démographique où on a une faible natalité et une faible mortalité. Alors, le classement des pays est un peu plus subtil que ça. Là, j'ai représenté au niveau 1 les pays dont la transition démographique est à peine engagée. Vous avez par exemple le Niger, qui est toujours à 7 enfants par femme, qui est tout à fait typique de cette catégorie-là. Le Burkina se trouve là-dedans. Donc, les pays qui ont en moyenne plus de 6 enfants par femme et qui avaient déjà plus de 6 enfants par femme en 70-75 et qui n'ont guère baissé depuis. La catégorie 2, c'est les pays qui, partis d'une haute fécondité dans les années 70, ont commencé, mais très récemment, depuis 15-20 ans, à baisser leur fécondité. Et puis ensuite, on arrive comme ça à toute une série de situations. Mais vous voyez qu'en gros, vous avez les pays qui avaient plus de 6 enfants par femme dans les années 70, entre 3 et 6, et moins de 3. Et dans la dernière catégorie, tout à fait, nous avons tous les pays qui ont des taux de fécondité de 1,5, 1,3, 1,2 enfants par femme, donc des pays où la fécondité est particulièrement déprimée. Alors, quand on regarde la façon dont tout ça se distribue, vous voyez que nous avons ici, par exemple, 8,4 millions d'habitants. Dans cette colonne-là, ce sont les Pakistanais et les pays du Moyen-Orient qui ont migré vers le Golfe. Vous avez là, par exemple, les Indiens qui ont migré vers le Golfe. Donc l'Inde est déjà dans un état de transition relativement avancé. Enfin, ça dépend beaucoup des états de l'Inde, mais globalement, l'Inde a beaucoup réduit sa fécondité et il migre vers le Golfe, qui, lui, a des taux de fécondité supérieurs. C'est à peu près la seule exception. Mais là, globalement encore, vous avez à la fois une tendance à une surcharge de la diagonale, hein, une tendance à migrer dans les pays les plus proches avec des comportements de fécondité proches, mais aussi à aller des pays, finalement, qui ont déjà bien entamé leur transition démographique vers les pays les plus riches. Les pays qui migrent le plus ne sont pas les pays les plus féconds. Ce ne sont pas les pays qui ont des excédents considérables de fécondité. Les pays qui migrent le plus actuellement sont les pays qui sont déjà bien engagés dans la transition démographique. C'est le Mexique, c'est la Turquie, hein. Voilà, c'est l'Inde. Encore, donc, un démenti radical à l'idée selon laquelle il y aurait en quelque sorte un déversement naturel, si j'ose dire, de la surfécondité vers les pays les moins féconds. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on prend des indicateurs un peu plus... quand on prend par exemple la richesse des pays, le FMI régulièrement, ou la Banque mondiale met régulièrement à jour la classification des pays en fonction du revenu et distingue notamment 4 niveaux de revenu national brut par tête, bien vous voyez que, et c'est ce que signifie ce graphique, que lorsqu'on est né dans un pays à revenu faible, on a 4,9 fois plus de chances que la moyenne, 5 fois plus de chances que la moyenne, de migrer dans un autre pays à revenu faible. Et quand on vit dans un pays à revenu élevé, quelle est la destination la plus surreprésentée? Ben, c'est un autre pays à revenu élevé. Donc la structure de ce schéma est extrêmement clair. Les riches ont tendance à migrer vers les pays riches, les pauvres vers les pays pauvres. C'est ça, la structure globale du schéma. Et puis, je vous avais expliqué comment il se trouve que l'ensemble des pays de la planète répertoriés par l'ONU inclut aussi les territoires, y compris les possessions d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion sont comptés à part par l'ONU. Ils ont peut-être un peu l'idée qu'un jour, ça pourrait devenir indépendant. Ça plaît pas beaucoup au gouvernement français. En tout cas, il y a des statistiques séparées pour toutes les possessions d'outre-mer. Mais la Banque mondiale ne range pas les pays d'outre-mer dans la classification des revenus. On ne sait pas ce que serait le revenu de la Guadeloupe indépendamment de la métropole. Ce serait assez difficile. Et donc, du coup, on a une catégorie résiduelle que j'ai laissée ici. Et vous voyez que les citoyens des pays les plus élevés ont une forte probabilité de migrer dans les possessions d'outre-mer, ce qui peut être pris comme un indice de refuge fiscal, pourquoi pas. Le Collège de France et France Culture vous présente le démographe François Errant, sa série « Pourquoi migrer ?». Alors, je vais maintenant, dans cette seconde partie, vous parler de l'Afrique et vous parler de, je dirais en quelque sorte, de la hantise ou l'obsession africaine, notamment subsaharienne, qui existe depuis pas mal de temps en France et qui ressurgit régulièrement. Et je crois que c'est intéressant d'en faire l'historique. Il se trouve que j'ai rédigé pour la revue L'Histoire un article sur ce sujet qui devrait, je pense, paraître bientôt. Je vous en donne un peu la substance. Bien sûr, la colonisation joue un rôle absolument majeur dans cette affaire. Et vous le savez peut-être, notamment le général Mangin, avant la Première Guerre mondiale, et ensuite il a tout fait pour essayer de mettre ça en pratique pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Mangin avait écrit un livre sur la force noire, qui consistait à dire qu'un des grands atouts de l'armée française dans une guerre prochaine, ça pouvait être la mobilisation des armées de l'Afrique orientale française, l'AOF. Et puis, au cours de la guerre, le député Blaise Diagne, sénégalais, a mis en œuvre, à la demande de Clémenceau, toute une série d'opérations de recrutement des soldats noirs pour la Première Guerre mondiale. Et le grand livre de référence sur le sujet, c'est Marc Michel, Les Africains et la Grande Guerre. Il y a deux éditions, la deuxième a été pas mal remaniée, qui en gros aboutit au résultat suivant. 200 000 mobilisés venus d'Afrique noire, dont 135 000 sont venus effectivement combattre en Europe. Et 20% de ces 135 000 ne sont jamais revenus. C'est un taux de perte qui est un peu supérieur à la moyenne générale des pertes pendant Première Guerre mondiale, parce qu'évidemment, on ne les a pas épargnés. Donc, c'est la première fois qu'on essaie de recruter, de recenser les ressources humaines disponibles en Afrique noire à des fins strictement militaires. Et puis, une deuxième vague d'études sur le sujet. C'est au moment des indépendances. On se dit, mais que va-t-il se passer? Est-ce que les Africains vont arriver en France? Et en même temps, il y a eu le fameux lancement du Bumidom. Le Bumidom, c'est le bureau pour les migrations d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Le Bumidom, c'est une opération à laquelle Michel Debré, qui n'était plus ministre à cette époque-là, avait été extrêmement attaché. Il était encore extrêmement influent. Et Michel Debré avait une idée, qui est que les excédents démographiques des territoires d'outre-mer devaient être reversés, en quelque sorte, dans le désert français. Et donc, une sorte d'équilibrage démographique, de transfert démographique, devait s'effectuer entre les territoires d'outre-mer et la métropole. Et le commissariat au plan approuve cette idée, la développe, des rapports sont écrits à ce sujet, et on commence par projeter donc des transferts depuis la Réunion, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, vers la métropole. Il y avait une thèse alternative qui était non, il faut les envoyer en Guyane, parce que comme ça protégera la métropole, et je reviendrai là-dessus. Et donc, je vais vous citer trois exemples de prophéties, en quelque sorte, qui ont été faites sur le développement des migrations africaines. On va les détailler. Je vous présente simplement la position de l'essor démographique de l'Afrique subsaharienne dans l'ensemble des régions du monde. en 2017-2018. Il faut que tous les deux ans, les Nations Unies actualisent les projections démographiques pour les 50 ans, voire les 100 ans à venir. Et voici, de 1950 à 2020, les populations qui ont été effectivement observées dans les grandes régions du monde. Et là, j'ai distingué l'Inde et la Chine, parce que à eux seuls, l'Inde et la Chine représentent à peu près quasiment 40% de la population mondiale, donc pas la peine de les fusionner avec d'autres pays. Mais vous voyez que à partir de 2018-2020 et jusqu'en 2050, et l'ONU publie même des projections jusqu'en 2100, le continent qui de loin va le plus croître, c'est l'Afrique subsaharienne, en raison de taux de fécondité qui reste très élevé. L'Afrique du Nord connaîtra une croissance beaucoup plus faible. Le reste de l'Asie continuera de se développer. Là, vous avez le reste de l'Asie, des pays comme le Pakistan, par exemple. Et vous voyez que l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe vont relativement stagner. Et donc, à la suite de la crise migratoire des années 2015-2016-2017, il y a eu une espèce de télescopage qui s'est fait avec cette révision des projections démographiques. Tous les deux ans, ces projections sont faites. Tous les deux ans, elles donnent à peu près les mêmes résultats. Et elles n'ont pas attiré l'attention des journalistes de la même manière. Mais là, après la crise migratoire, et en constatant le fait que nous avions finalement accueilli peu de Syriens dans la crise récente, parmi les demandeurs d'asile qui se sont présentés en France en 2015, 2016, 2017, 4% seulement de Syriens, alors que les Allemands ont accueilli, ont reçu à peu près 30% de Syriens parmi les demandeurs d'asile. Et qui venait en tête des demandes d'asile en France? Eh bien, c'était notamment la Corne de l'Afrique. Donc le télescopage entre la forte représentation de l'Afrique subsaharienne dans les demandeurs d'asile, la crise et les projections de l'ONU a fait que la révision de 2017, contrairement aux révisions passées, a reçu un écho médiatique tout à fait considérable. Et plusieurs livres, d'ailleurs, ont été écrits à ce sujet. Je vais vous en parler. Quand on regarde le même graphique, mais traduit en pourcentage, vous voyez que finalement, l'Asie restera dominante en 2050. De loin, l'Asie reste le continent le plus peuplé. Alors évidemment, tout ça dépend un peu du découpage. Mais l'Afrique va passer de 10% en 2000 à 22% de l'Afrique subsaharienne. En gros, la population subsaharienne va être multipliée par 2,2, ce qui est évidemment la croissance la plus élevée pour toutes les régions du monde, tandis que l'Europe, elle, continue évidemment son déclin. C'est une découverte qui est quand même relativement récente. Et c'est Gilles Pison qui a fait cette comparaison publié dans The Conversation, sur le site The Conversation, qui est toujours très intéressant à consulter, notamment pour les questions démographiques. Eh bien, vous voyez, à gauche, le schéma de gauche, c'était le scénario moyen des projections démographiques qui avait été publié en 1981 par les Nations Unies. Donc, vous voyez que la trajectoire de l'Afrique, telle qu'elle était projetée par les spécialistes des Nations Unies, ben, c'était une trajectoire qui était parallèle à celle de l'Asie. On s'imaginait qu'en gros, il allait arriver en Afrique la même chose que dans le reste de l'Asie, c'est-à-dire un déroulement normal de la transition démographique et donc un atterrissage progressif des taux de fécondité qui allait descendre de 7 enfants par femme à 4, 3, voire moins en 2100. Alors ce sont des projections qui sont un peu ciblées et qui font l'hypothèse aussi que tous les comportements vont se rejoindre. Et puis, vous voyez qu'en 2017, les projections publiées pour les mêmes années en 2017 réservent à l'Afrique un sort totalement différent. Puisque finalement, on pense que vers 2100, si, hein, alors c'est des scénarios, hein, ça veut pas dire, c'est pas une prophétie. Hein, c'est-à-dire que si on maintient les données démographiques actuelles, si on tient compte de l'inertie démographique actuelle créée par les taux de fécondité, par le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants qui ont déjà été mises au monde, etc., si on fait des hypothèses relativement conservatrices sur l'évolution des taux de mortalité, avec des hypothèses relativement conservatrices, alors l'Afrique atteindrait 4 milliards d'habitants en 2100. Ou en 2050, elle aurait 2,7 milliards d'habitants. Et vous voyez que ce n'est pas du tout ce qui avait été prévu en 1981, donc il y a une révision considérable. Et à quoi est-elle due, cette révision? Elle est due au fait que la qualité des informations sur le comportement démographique de l'Afrique subsaharienne a considérablement augmenté depuis. Il faut voir que dans les années 80, on savait très peu de choses sur le comportement, notamment le comportement de fécondité des Africains. Très peu de choses. Les recensements étaient de mauvaise qualité, étaient largement trafiqués. On a l'exemple du Gabon, où le dictateur, au dernier moment, avait complètement changé les chiffres pour améliorer la situation de son pays. On a l'exemple du Nigeria, où on ne savait pas, à quelques dizaines de millions d'habitants près, à combien se montait l'effectif total de la population. Depuis, les choses ont considérablement changé, et dans les années 80-90, à partir des années 80-90, il y a eu un effort considérable, largement financé par les Américains, il faut le dire, largement financé par l'aide américaine au développement, pour multiplier les enquêtes, non pas pour introduire des recensements, enfin un état civil qui est de toute façon très difficile à établir, mais pour multiplier les enquêtes, et rien qu'au Nigeria par exemple, on a maintenant des dizaines et des dizaines d'enquêtes, nationales, régionales, etc., sur les différents aspects du comportement démographique. Et donc on a maintenant une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus claire de tous les indicateurs démographiques pour l'Afrique. C'est quelque chose qui est intégré dans les projections de l'ONU. Si vous reportez au site de l'ONU, au chapitre projection de l'ONU, vous verrez qu'il y a des annexes méthodologiques extrêmement détaillées qui indiquent dans le détail, toutes les enquêtes qui ont été prises en compte pour améliorer la connaissance de la démographie africaine et donc les méthodes de projection. Vous voyez que ça n'est pas les seules erreurs d'anticipation qui avaient été faites en 80, puisque la Chine, par exemple, on pensait en 81 que la Chine plafonnerait à 1,5 milliard d'habitants dans les décennies suivantes. Or, la Chine a tellement bien réussi sa politique de l'enfant unique qu'en réalité, elle n'aura pas 1,5 milliard, mais plutôt 1 milliard, si on suit le scénario. C'est quand même une différence importante. C'est un tiers d'habitants en moins. De même, l'Inde, par exemple, a vu sa population se réduire, l'Asie de façon générale, beaucoup plus rapidement que ce qui avait été anticipé par les démographes dans les années 80. Certains États de l'Inde, il faut bien en avoir conscience, ont une fécondité inférieure à celle de la France. Le Kerala, par exemple, a une fécondité qui est à peu près du même niveau que celle de la France. Quand j'étais jeune, si on m'avait dit dans les années 70 qu'un État comme le Kerala, qui doit avoir 40 ou 50 millions d'habitants, aurait été aussi peu fécond que la France, personne ne l'aurait cru. Donc des changements considérables ont eu lieu, mais ça c'est lié aussi au fait que le Kerala, dans l'ensemble indien, est un État particulièrement développé. Donc, quand on regarde le bilan des projections démographiques, le scénario central, puisqu'il y a un scénario de haute et de basse fécondité, je le mets en note, qui fait que au lieu d'avoir 2,2 milliards d'habitants pour l'Afrique subsaharienne, ce serait plutôt 2 milliards en hypothèse basse, 2,4 milliards en hypothèse haute. Enfin, centrons-nous sur les scénarios médians pour la suite de la présentation. Donc, que dit ce tableau? Eh bien, il nous dit que entre 2017 et 2050, selon les hypothèses très conservatrices des Nations Unies, des démographes des Nations Unies, la population de l'Afrique sera multipliée par 2 et celle de l'Afrique subsaharienne par 2,12. L'Afrique du Nord, par contre, va continuer sa croissance, mais à un taux beaucoup plus faible, c'est une multiplication par 1,5, une augmentation de 54%. Et vous voyez qu'à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, vous avez des comportements assez différents, notamment l'Afrique australe, du fait de l'Afrique du Sud, a un taux de croissance qui va être beaucoup plus faible que celui de l'Afrique centrale, où on observe le taux maximal. Voilà un peu ce que nous projettent les Nations Unies. Et puis quand on regarde pays par pays, alors là je suis allé jusqu'en 2067 et pas seulement 2050, vous voyez des chiffres tout à fait impressionnants, puisque le Niger, qui a 21 millions d'habitants actuellement, le Niger devrait, selon les projections des Nations Unies, passer de 21 millions à 68 millions d'habitants. Ce qui est évidemment une croissance considérable. Et c'est donc une multiplication par 3,19 d'ici 2050, dans les 32 prochaines années. C'est quand même très rapide. Et ce serait même une multiplication par 5,7 jusqu'en 2067, donc d'ici 50 ans. Vous voyez que ce sont des taux de croissance absolument considérables et se retrouvent là dans les records de croissance qui sont les records mondiaux. Ce que je vous présente là, c'est les 28 pays qui ont la plus forte croissance démographique dans le monde. Et vous voyez que le seul pays qui ne soit pas d'Afrique subsaharienne dans ce tableau, c'est l'Irak. Tous les autres pays sont des pays africains. Vous voyez que l'idée que tout ceci pourrait changer rapidement, hein, que la fécondité pourrait baisser très vite dans tous ces pays-là dans les prochaines décennies, est quand même assez peu crédible. Ce sont des comportements encore très fortement ancrés. Et les pays qu'on voit en tête, ce sont des pays enclavés, essentiellement, pas tous. L'Angola n'est pas enclavé, mais le Niger, l'Ouganda, la Somalie non plus, la Tanzanie, etc. Le Tchad, le Burkina, bon, voilà, des pays qui vont connaître les taux de croissance les plus forts dans les années à venir. Alors voici le tableau que l'on peut dresser à l'échelle mondiale. Actuellement, le taux de fécondité de la planète est de 2,4 enfants par femme en moyenne. Mais vous voyez que ça varie beaucoup d'un continent à l'autre. L'Afrique est à 4,4, l'Europe à 1,6, et évidemment les autres continents s'étagent. Enfin, l'Afrique se détache très nettement des autres continents. En gros, l'Afrique a un taux de fécondité deux fois supérieur à celui du reste du monde, pour dire les choses très vite. Et quand on regarde à l'Afrique subsaharienne, c'est 4,7 enfants par femme, ce qui est encore très élevé, évidemment. Et les records sont indiqués ici. Le Niger, 7 enfants par femme. La Somalie, 6. La RDC, la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, donc c'est 6. Le Mali, 6 également. Le Tchad, quasiment 6. Donc ce sont des chiffres évidemment très très élevés. Quelles sont les tendances mondiales de la fécondité? Là, on n'est pas encore dans la migration, mais je pense que c'est important que vous ayez une idée du décor, en quelque sorte, sur lequel les questions migratoires peuvent être envisagées. Bien, on peut le faire de plusieurs façons. Là, j'ai pris, ça pourrait se faire autrement, l'ensemble des pays à bas revenus, à revenus moyen bas, moyen moyen haut, haut revenus. C'est la fameuse classification de la Banque mondiale. Et vous voyez que depuis les années 50, les pays à bas revenus ont connu une légère baisse de la fécondité. En fait, elle n'a été amorcée qu'à partir des années 85-90. Donc, c'est une transition très tardive, hein. Elle commence maintenant, elle est tout à fait sensible, alors que, évidemment, les autres pays, notamment les pays à revenus moyens, hein, qui sont aussi les pays qui migrent le plus, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des pays qui ont connu des transitions démographiques tout à fait importantes. Et les deux records mondiaux de basse fécondité pour les pays très peuplés, bien, c'est l'Algérie et l'Iran. Et c'est assez paradoxal, parce que l'Algérie et l'Iran ont commencé à connaître une très forte chute de leur fécondité alors que ces pays étaient en train de se réislamiser, en quelque sorte, de vivre un revival islamique très fort, que ce soit en Algérie ou en Iran, même si c'est sous des formes différentes. Donc ce n'est pas l'islam, hein, qui est à la source des fortes fécondités dans le monde. Au contraire, là, nous avons deux pays musulmans qui ont connu une chute de la fécondité considérable. J'ai pointé ici la révolution iranienne, et vous voyez que s'il y a eu une petite augmentation après la révolution iranienne, parce que Khomeini pensait qu'il fallait favoriser la fécondité pour faire face à l'ennemi et augmenter la population, en fait, cette stratégie a complètement échoué, elle a très vite été abandonnée, et il y a une fatwa assez connu de Khomeini en faveur de la contraception, qui interdit les méthodes qui altèrent le corps de la femme, c'est l'expression utilisée, comme les dispositifs intra-utérins ou la stérilisation, mais qui permettent tout le reste. Comme j'ai l'habitude de le dire, la fatwa de Khomeini sur la contraception est beaucoup plus libérale que tout ce que le Vatican a jamais écrit sur la question. Donc voilà une trajectoire tout à fait remarquable, hein, de deux pays qui, sans politique de l'enfant unique, hein, soit dit en passant, simplement par une diffusion assez efficace du planning familial, mais aussi, et c'est ça le principal ressort de ces baisses de fécondité, et c'est important de le signaler pour comprendre pourquoi elles n'ont pas lieu en Afrique subsaharienne. C'est que le principal ressort de ces baisses de fécondité, c'est l'augmentation du niveau d'éducation des femmes, et c'est surtout le recul de l'âge au mariage. L'âge au mariage était extrêmement précoce, il était en moyenne pour les femmes aux alentours de 15-16 ans, en moyenne, dans ces pays-là, dans les années 60. Et aujourd'hui, ils se rapprochent de la trentaine. La véritable révolution démographique de ces pays-là, c'est le recul de l'âge au mariage, et un recul de l'âge au mariage qui est associé au fait qu'il y a un strict contrôle de la sexualité avant le mariage. Donc il n'y a pas de fécondité avant mariage. Or, ce qu'on observe en Afrique subsaharienne, c'est que certes, il y a aussi un recul de l'âge au mariage, il y a moins élevé, une certaine élévation du niveau d'éducation des femmes, un prolongement des études, mais en Afrique subsaharienne, en raison de traditions différentes, il n'y a pas de contrôle strict de la sexualité avant le mariage, il y a une fécondité qui peut tout à fait être nourrie, être importante, avant le mariage tardif. Ah, ça, c'est des découvertes assez récentes. Hein. C'est notamment Véronique Ertrich, une démographe de l'INED, qui a montré dans un numéro qui est paru cet été de la revue Population and Development Review, qui a montré que le retard de l'âge de mariage en Afrique subsaharienne ne s'accompagnait pas systématiquement d'une baisse de la fécondité, contrairement à ce qu'on a pu observer dans certains pays musulmans. Donc, là encore, j'insiste sur un certain nombre de facteurs qui sont au fond des facteurs culturels ou anthropologiques. Bon, le culturel, c'est du social qui dure, qui persiste, qui est cristallisé. Je ne fais pas de différence fondamentale entre le culturel et le social. C'est simplement une temporalité différente, je dirais. Enfin, ce sont des différences très fortes qui ne vont pas s'effacer comme ça dans les trois prochaines décennies. Donc, j'ai mis ici par écrit ce que je viens de vous dire et vous avez la référence donc de l'article de Véronique Ertrich avec un commentaire très intéressant de John Casterline, qui est un des grands spécialistes américains de l'évolution de la fécondité en Afrique et qui retrace tout l'historique des phénomènes très intrigants que la fécondité de l'Afrique a réservé aux démographes. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de François Héran, Pourquoi migrer ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à La Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons ce cours en compagnie de François Héran. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture. Thank you.